Bonjour, donc moi je viens vous parler de l'envie qu'on a eue d'essayer de monter un centre d'hébergement pérenne pour les jeunes isolés, qui comprend donc les jeunes mineurs isolés et des jeunes majeurs qui se retrouvent aussi à la rue, aussi bien français qu'étrangers d'ailleurs, parce qu'à 18 ans ils sont tous mis dehors. Et donc l'idée c'est d'essayer de rencontrer d'autres personnes de d'autres commissions pour monter ce projet ensemble. Donc on a déjà rencontré Architectes Debout, on a fait deux rassemblements devant la mairie de Paris avec ces jeunes. Donc il faut savoir qu'il y a une loi relative à la protection de l'enfance qui n'est pas appliquée aujourd'hui. Et que donc ces jeunes, normalement, devraient être à l'école et logés jusqu'à leur majorité. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, à Paris, il y a 80% de ces jeunes qui se retrouvent à la rue. Voilà, donc si vous vous sentez concerné, on a essayé de développer quelque chose qui soit un lieu avec une salle, c'était pour ça qu'on venait vous voir aujourd'hui, on a essayé de développer quelque chose avec une salle commune qui serait une salle qui fonctionnerait un peu en autogestion où des projets pourraient être menés avec des associations, avec l'éducation populaire, etc. Chacun viendrait une fois par semaine, donc aussi bien des avocats, faire un resto associatif, etc., etc. Et avoir pas mal de chambres pour pouvoir loger ces jeunes jusqu'à ce que le tribunal reconnaisse ou non leur majorité de façon effective, parce qu'en ce moment, il y a 3 à 6 mois d'attente en fait où ils sont dans la rue. Donc voilà. Donc après le projet il se trouve en ligne parce qu'on avait participé ici à tous les projets qui avaient été lancés. Donc on a monté la commission jeunes isolés pour pouvoir se rassembler de temps en temps. On fait une réunion demain à 12h30 dans un café qui est avenue de la République qui s'appelle le Toucan en face de Darty pour commencer à voir un petit peu comment on peut étoffer ce projet. Je ne vais pas vous le lire là parce que c'est un peu. Donc ceux qui ont envie viennent et de toute façon on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée. Le projet c'est vraiment construire. Alors nous on était partis sur des containers, mais a priori c'est pas une très bonne idée, donc ça serait plus des espèces de containers mais en bois qui seraient empilables. Et l'idée c'est qu'il y ait un foyer de vie donc, et ouvert sur l'extérieur avec ce restaurant associatif qui permettrait donc aux jeunes de rencontrer d'autres personnes et à d'autres personnes de pouvoir aussi venir et échanger leur savoir dans ce lieu. Oui. Ça va là, tu m'entends? Donc, il y aurait un côté chambre. Évidemment, il faut des éducateurs, etc. Il y a relative aux mineurs, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, tout ça, c'est à définir avec la commission travailleur social qu'on a rencontrée aussi et qu'on espère pouvoir voir plus précisément pour monter le truc. L'idée, en fait, c'était écrire un résumé de ce que pourrait être ce projet de centre d'hébergement et qu'ensuite, chaque personne qui s'y connaît réellement dans chaque commission vienne rajouter sa main à la pâte pour que le dossier après soit vraiment quelque chose d'extrêmement conséquent et qu'on puisse le déposer à la mairie de Paris ou ailleurs mais sans passer pour des guignols, que ça soit vraiment quelque chose de construit. Voilà. Donc c'est de longue haleine mais je pense que ça a un sens puisqu'il y a une loi, on s'appuie là vraiment sur une loi qui n'est pas appliquée relative aux mineurs donc. L'idée, ça serait d'en faire un premier sur Paris, puisqu'actuellement, c'est Paris qui bloque le plus en France, parce qu'il y a le problème partout en France, hein, mais c'est vraiment sur Paris que 80% des jeunes se retrouvent rejetés à la rue. Mais après, l'idée, évidemment, c'est si ce truc fonctionne, c'est de pouvoir le monter un peu partout en France. Via, en fait, ce qu'on voulait, c'est une fois que le dossier est écrit, monter une association et lancer une grosse campagne de crowdfunding en fonction des besoins spécifiques qu'on aura. Le truc après, c'est comment cette structure peut tourner de façon autonome, sans être toujours tributaire de l'argent de l'État qui impose en échange un certain nombre de choses qui sont pas viables. Enfin, actuellement, ce qu'ils font, c'est pas du tout cohérent. Il faut quand même savoir que les jeunes, quand ils arrivent, passent des entretiens. Alors avant, c'était la PAOMI, maintenant, c'est la DEMI. C'est la Croix-Rouge qui a raflé le marché, parce que c'est un marché. Hein. Donc ils passent des entretiens où on leur demande de justifier leur minorité. Et les questions, c'est par exemple, est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais quand tu avais 5 ans? Donc évidemment, un gamin qui a fait je ne sais pas combien de kilomètres à pied dans des situations, enfin dans des conditions terribles, ne s'en rappelle pas. Donc on dit qu'il ment, que son acte de naissance est faux et que c'est un majeur et que c'est un gros menteur. Et il part comme ça au tribunal. Donc on en est là quand même. Hein. Donc c'est important que les gens le sachent parce qu'eux racontent ce genre de trucs. Il y a encore trop de gens qui ne sont pas au courant de comment ça se passe. Voilà. Non, alors en fait, nous, on mise sur tous les espaces que la mairie de Paris, en fait, actuellement fait une campagne sur des lieux qui sont non constructibles pour en faire des terrains de sport. Et comme par hasard, ça correspond à des endroits où il pourrait y avoir des campements de migrants, par exemple. Donc pour éviter ce genre de choses, elle propose de refaire des terrains de boules, etc. Donc il y a des endroits définis déjà. Nous, on les trouve vachement intéressants, ces endroits-là, puisque ce qu'on propose, c'est sans fondation. Donc ça veut dire qu'on peut se mettre où on veut et qu'on peut monter des choses. Il faut quand même savoir que. Là où il faut que ce projet soit vraiment étoffé, c'est que, y a 300 jeunes à peu près qui sont concernés actuellement, sans compter ceux qui arrivent à chaque fois. Donc ça veut dire des structures quand même assez énormes. Donc à voir, est-ce que c'est pas mieux de faire des petites unités un peu partout voilà, ça fait partie des questions qui nous restent pour l'instant en suspens, quoi. Donc ça, on peut voir avec les architectes, il faut qu'on voit avec les avocats, il faut voir vraiment avec plein de gens différents, quoi. Parce qu'évidemment, on a écrit une base, qui est, oui, c'est très joli d'écrire une base, mais après, il y a le concret, il y a la réalité. Donc, on a besoin, effectivement, de rencontrer des gens dans toutes les commissions qui peuvent venir apporter quelque chose de très concret et spécifique, qui est de l'ordre de leur métier, quoi. Moi, je suis pas architecte, donc je peux te faire un dessin super joli, parce que je trouve ça très beau, mais si ça se trouve, techniquement, c'est impossible. Et puis pareil, il y a plein il y a des trucs de sécurité, des normes, etc. Voilà. L'idée, c'était quand même de partir sur que du matériel de récupération, avec mur végétal, potager sur les toits plats, etc., etc. Ouais, parce que c'est une belle idée et que ça permet aussi aux jeunes de s'intégrer et de participer vraiment à leur lieu de vie, quoi. Et d'apprendre un certain nombre de choses. D'où l'idée aussi de l'éducation populaire, parce que ça serait intéressant d'avoir une fois par semaine des gens qui viennent expliquer comment ça fonctionne ici, raconter l'histoire, raconter des tas de choses et échanger avec eux, en fait. Voilà. Du coup, si tu avais une question C'est une mini question. Vous avez combien de jeunes pour l'instant, en fait? Enfin, vous avez déjà identifié Donc on sait à peu près, avec différents collectifs, surtout avec l'ADJI, qui est un collectif qui les aide à faire leur recours administratif. L'ADJI, depuis le début de l'année, depuis janvier, ils ont, je crois, 90 refus, ce qui est incroyable par rapport au temps. Tu vois, avant, 90 refus, c'était même pas sur une année. Là, maintenant, c'est vraiment sur 3 mois, quoi. Donc on peut voir, par les différents collectifs ou assos qui existent, qu'il y a à peu près 300 jeunes dans la rue. Après, c'est très difficile à dénombrer, parce que tu en as plein qui sont passés par aucune structure, et donc qui ne savent même pas en fait ce qui existe pour eux et qui sont vraiment dans la nature. Donc on va dire 300, mais je peux pas te dire précisément, quoi. C'est déjà énorme en tout cas, quoi. Parce qu'ils arrivent ici, ils ont entre 14 et 15 ans. Ils ont parfois fait 2 ans de trajet dans des conditions abominables. Donc là aussi, on voulait rencontrer Psy Debout, par exemple, pour voir si je sais qu'il y a des psys qui travaillent dans la rue. Ces jeunes, par exemple, ont vraiment besoin de pouvoir déposer leur valise, entre guillemets, et de pouvoir parler à quelqu'un, quoi. Et les entretiens qu'on leur propose, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on leur propose, on leur demande de justifier leur minorité, sans tenir compte non plus de... Si, par exemple, on prend les enfants africains, en Afrique, on donne pas l'âge, on donne pas... toutes ces choses-là, elles sont c'est obsolète, quoi. Et ici, on demande des choses très précises qui correspondent pas à leur réalité. Ça peut pas fonctionner, quoi. Donc c'est encore une fois briser ces gamins, c'est le futur. La France, elle s'est aussi construite sur plein de gens différents qui sont arrivés, qui ont eu la chance de pouvoir aller à l'école, tout bêtement, hein, parce que c'est quand même ce qu'ils demandent. Donc ok, ici, le système scolaire est en souffrance, il y a plein de choses à revoir, mais donnons-leur déjà la chance de l'intégrer et continuons à côté d'autres combats, mais laissons-les au moins aller à l'école. Sans aller à l'école, ils n'ont aucune chance. Enfin, voilà. Donc ensuite, ils grossiront le rang des sans-papiers. Ça fera, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la France participe à la main-d'œuvre illégale et construit ça, tu vois. Construit le trafic de jeunes qui sont obligés de se prostituer. Enfin, tout ça, c'est construit par un État qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Non, alors il y a aussi ça, on se bat aussi contre les tests osseux, parce que ça c'est un truc hyper barbare qui sert absolument à rien. On leur fait faire donc une radio du poignet, et en fonction du cartilage par rapport à l'os, on peut plus ou moins définir l'âge, c'est absolument faux. À titre personnel, ma fille l'a fait pour complètement autre chose, elle avait 9 ans, le test osseux disait qu'elle en avait 12. Tu vois, et il y a plein de médecins qui se battent contre ça, et on continue aujourd'hui à leur faire croire que c'est obligatoire, alors qu'en plus je crois que c'est pas vrai. Et comme eux sont terrorisés et pas informés, ils continuent à le faire. Ça c'est juste inadmissible, quoi. C'est comme si on allait regarder tes dents. Enfin, je veux dire, on en arrive quand même à des trucs où là ça va loin et c'est grave, quoi. suis désolée, je suis arrivée un peu en retard, ce qui fait que je n'ai pas compris où se trouve ce centre. Et puis... Ah d'accord, oui, d'accord, bon, d'accord. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans un internat. Et je trouvais que... Donc, quand j'étais jeune lycéenne, j'étais dans un internat. Et franchement, je trouve que c'est un système qui a été merveilleux, en tout cas, que moi, j'ai vécu merveilleusement bien. Et là, je suis documentaliste dans un collège. Et il y a un tas d'enfants qui viennent dans le CDI qui expriment un besoin vraiment de se trouver dans un cadre, dans un endroit pour juste travailler parce qu'ils sont dans des circonstances. Et je me suis posé une question, pourquoi on n'essaye pas de revenir un peu à un système d'internat pour ces enfants, et pas seulement pour ces enfants, pour les enfants par exemple qu'on voit dans le métro ou dans le RER, qui sont avec des personnes qui ont besoin de mendier et qui mendient. Et là, par contre, moi j'avoue que je ne comprends pas, quelque chose n'est pas fait d'important pour ne serait-ce que les prendre provisoirement. Et à la limite, les parents pourraient venir les chercher plus tard ou quelque chose comme ça, quoi. Là, ce que tu dis, c'est plus compliqué parce que là, on parle de mineurs isolés. Ça veut dire des enfants qui viennent de l'étranger tout seuls. Ils n'ont pas leurs parents. Et en même temps, personne ici ne peut être leur représentant légal parce qu'ils sont mineurs et ils ont des parents ailleurs où leurs parents sont morts. Ça, c'est encore autre chose, mais ils ont des parents dans leur pays d'origine. Et puis après, alors là, je vais te répondre à titre moi personnel. Je trouve que l'internat, ça peut être très bien tant que ça reste ouvert sur l'extérieur. Quand c'est quelque chose de très fermé, ça peut aussi être quand même assez embêtant. Voilà. Donc là c'est moi, je suis pas du tout professionnelle, donc je suis pas apte à te répondre par rapport à ça. Mais en tout cas oui, créer un centre, ça me paraît très compliqué dans le sens où effectivement il faut beaucoup de moyens, aujourd'hui je vois pas, je comprends pas qu'on propose pas ça effectivement et qu'on se mette pas tous là-dessus, parce que c'est une application concrète pour moi en plus de ce qui se passe ici, à savoir la convergence des luttes. Ça touche l'éducation nationale, ça touche la santé, ça touche tout un tas de choses, les psychologues, les psys, tout ce que tu veux, la jeunesse et le futur. Donc ça me paraît très cohérent qu'ici on arrive à se mettre ensemble et à travailler là-dessus de façon vraiment concrète. Même en sachant que ça va prendre du temps et qu'effectivement ça va pas être simple et que ça va pas se faire demain, mais ça vaut le coup d'essayer. Et là pour moi c'est nuit debout aurait un sens en fait, concret, ça, je dis pas qu'il y en a pas de façon générale, je dis juste que là par rapport à ce projet, ça me paraît vraiment très cohérent d'essayer de le monter ici. Après, faut nous suivre, si personne nous suit, effectivement, voilà. Oui, alors la tranche d'âge, ça irait de 14, enfin on va dire 15-18. Il se passe un autre problème après, c'est-à-dire qu'avant, tu avais le contrat jeune majeur, donc de 18 à 21 ans, qui permettait de continuer tes études quand tu avais eu la chance d'en faire. Alors il faut savoir deux choses. Aujourd'hui, Madame Versini, à la mairie de Paris, a eu la superbe idée de dire avec le rectorat que de toute façon, même quand les jeunes sont considérés mineurs, ils vont plus à l'école. On les met plus à l'école. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Si je résume, parce que je vais pas me lancer, il y a eu un truc de fait avec le rectorat qui demande au rectorat de payer les hébergements de ces jeunes, ce qui est impossible puisqu'ils vont dans des lycées techniques où il n'y a plus du tout d'argent. Donc le lycée technique en lui-même ne peut pas payer l'hébergement. Donc la dernière solution, c'est de ne plus les prendre à l'école. Donc là, c'est le premier truc. Donc on les fait patienter jusqu'à leur majorité dans des chambres d'hôtel qui coûtent en plus une blinde. Hein, donc ils sont même plus dans des foyers pour ceux qui sont pris. Hein. Et les 80 autres donc sont directement dans la rue. Voilà. Donc alors le contrat jeune majeur, excuse-moi, j'avais perdu le fil du coup. Le contrat jeune majeur, ça t'aidait jusqu'à 21 ans à finir ta formation professionnelle et à vraiment pouvoir t'insérer avec un métier, etc. Ou continuer tes études, mais t'étais logé encore. Là aujourd'hui, le contrat jeune majeur partout en France, il est en train de s'arrêter. À Paris, ils continuent, mais ils continuent alors qu'ils vont plus à l'école. Donc il y a quand même des choses qu'on comprend pas très bien. Et ils continuent dans des conditions qui sont quand même super extrêmes. C'est-à-dire que même si tu peux continuer tes études, t'as plus le logement. Donc tu te retrouves à la rue. Donc on est dans un cercle vicieux qui est juste impossible. C'est juste impossible. Et ça concerne aussi les jeunes Français, parce que tous les gamins qui sont donc sans famille, on va dire, quand ils se retrouvent majeurs, ils sont confrontés exactement à la même situation. Ils sont mis dehors et il faut qu'ils se démerdent. Qui est impossible à 18 ans, enfin je veux dire, surtout dans les conditions actuelles. Voilà. Donc ce centre, l'idée, ça serait aussi qu'il puisse réaccueillir des jeunes qui se retrouvent dehors. Après, reste à savoir comment le faire tourner. parce qu'on ne peut pas non plus ouvrir un centre et trouver des fonds pour garder 20 ans, 300 jeunes. Enfin, c'est impossible. Donc tout ça, c'est des questions à peaufiner, quoi. Moins de 14, a priori, ils arrivent ici, ils ont 14-15 ans quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ? Ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur un aspect que tu n'as pas encore développé ? Alors juste dire aux gens que ça intéresse que demain on fait une réunion dans un café qui s'appelle le Toucan, qui est avenue de la République en face du Darty, à 12h30 pour justement commencer à retisser les liens qu'on a commencé à tisser un petit peu, à en discuter et discuter des rassemblements qu'on continuera à faire devant avec les jeunes. Et l'idée c'est que ce soit vraiment eux qui aient la parole et qui revendiquent des choses et nous on est derrière pour soutenir. Voilà. Bah, merci à vous. Une autre question. Qu'est-ce que tu supposes qu'il pourrait y avoir comme frein au niveau du gouvernement ou au niveau qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème rencontré ? Ah bah, des problèmes rencontrés, ils vont être assez nombreux dans le sens où c'est une réelle volonté politique en fait de faire en sorte que ces jeunes soient pas pris du tout en compte. Mais comme la jeunesse, enfin là, ça rejoint aussi un problème aujourd'hui de la jeunesse qui est mise à mal. Il suffit d'aller voir la PJJ, enfin voir un peu partout ce qui se passe pour voir que de toute façon on n'a pas spécialement envie politiquement parlant que la jeunesse ait un futur, enfin toute une partie en tout cas de la jeunesse. Donc là ça va être effectivement c'est un problème de fond, ce problème de fond il va pas se régler comme ça, donc moi je me dis essayons déjà concrètement de faire des actions possibles puisque là en l'occurrence cette loi n'est pas appliquée donc on peut vraiment se battre là-dessus et ça on peut rien nous reprocher par rapport à ça, tu vois. Après, effectivement, il y a tout un travail à faire autour, au niveau politique, qui est assez complexe. Tu as dit tout à l'heure que beaucoup de foyers vont être fermés pour ces jeunes adultes qui existent en ce moment. Moi, je connais des jeunes qui sont dedans, mais s'ils ferment, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces jeunes ? Je dis pas qu'ils vont être fermés, je dis qu'il n'y en a pas assez, qu'ils sont déjà pleins et que de toute façon, aujourd'hui, effectivement, tu as une liste d'attente hallucinante quand tu veux aller dans un foyer et cette attente, tu la fais dans la rue, quoi. En sachant que ça peut durer un an, deux ans, enfin voilà, tu peux plus compter là-dessus. Si tu as la chance d'être pris dans un foyer, c'est très bien, sauf que les foyers de jeunes travailleurs, bah, tu payes, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un travail. Si à la majorité, tu n'as pas eu de formation professionnelle qui te permette d'avoir l'argent pour payer la chambre, c'est impossible. Et puis il faut quand même savoir qu'ils ont fermé des structures par rapport aux jeunes isolés. Alors ça, je ne peux pas vous dire très précisément, il faut vous renseigner sur Internet. Mais il y avait par exemple des écoles d'horticulture en France qui ont été fermées alors qu'elles fonctionnaient très bien, qu'on avait pris des éducateurs de Paris pour les emmener là-bas avec leur famille et que tous ces gens se retrouvent sur le carreau avec les jeunes concernés. Et que ça non plus n'a pas de sens puisque ça fonctionnait. Donc là aussi, c'est une vraie volonté politique, c'est fermer des choses qui marchent. Parce que politiquement, on estime que ça rapporte pas assez, que c'est pas intéressant et qu'on s'en fout, quoi. Donc voilà. Moi, j'aurais une question aussi. Enfin, peut-être t'en as parlé au tout début, mais au niveau européen, comment sont traités, par exemple, je sais pas si tu sais, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne. Alors, je m'y connais vraiment pas assez pour répondre à ça. Moi, je connais que la situation ici, plus ou moins. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui transitent par l'Espagne, parce qu'en Espagne, ils peuvent trouver des petits boulots dans la récolte de fruits et légumes. Ils disent que l'accueil est plus sympathique qu'ici, mais en même temps, il n'y a pas plus d'accueil non plus. Enfin, je pense quand même que... Puis quand tu vois la situation en Europe vis-à-vis des migrants, t'imagines bien qu'ils sont quand même pas super welcome, quoi. Enfin, j'ai pas cette impression. Après, je suis pas spécialiste, hein. Est-ce que tu sais, s'il te plaît, ce qu'ils sont devenus les jeunes qui étaient dans les camps, là, dans le nord ? Oui. Il y en a encore, il y en a qui sont tous éparpillés. Alors, en fait, là non plus, mais je sais que l'idée en fait de ce gouvernement, c'est d'éparpiller les gens pour plus qu'on les voit. Donc que ce soit les migrants ou les jeunes, c'est ça. C'est, les gens sont enlevés des endroits où ils font des campements. Ils sont éparpillés un peu partout en France. Et puis après, bah, y a ceux qui essayent de revenir ici. Il y a ceux qui essayent d'aller ailleurs. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est plus la France. Vu l'accueil réservé aux gens en France, les gens n'ont pas obligatoirement envie de rester ici. Hein. C'est plus du tout la même chose qu'il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, donc ces jeunes, ben je ne sais pas en fait, t'as plein de collectifs, il y a plein de choses différentes qui essayent de les structurer, mais on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de réelle volonté politique de faire quelque chose avec eux de façon cohérente pour leur donner un futur. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques donc sur cette situation des jeunes mineurs ou pas, mais enfin isolés? Sous la commune de Paris, les enfants ont perdu leur portée. Vous savez tout que. Et comment... Non ? D'accord. Personne ne sait, là. Il n'y a pas de... Oui, voilà. En fait, sur la commune de Paris, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes, de très jeunes qui sont restés sans famille, à Paris notamment, sans parents. Et je me posais juste la question comme cela, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui avait été organisé, préparé, ou est-ce qu'on en sait quelque chose, ou est-ce qu'il y a eu une étude là-dessus, parce que ça peut quand même aussi servir un peu de base d'organisation pour ce genre de situation, à mon avis. Alors moi, après, je suis pas historienne, hein, mais je crois savoir que sous la commune, en fait, c'était les communards qui reprenaient les enfants avec eux. Après, qu'est-ce qu'ils sont devenus précisément ? Ça, moi, je peux pas du tout répondre. Hein. Je sais pas si quelqu'un ici peut le faire, mais. Bon, bah, en tout cas, merci à vous. Merci à toi.